Jésus était-il marié? C'est ce que pourrait prouver un vieux papyrus écrit en ancien copte. Le pape Benoît XVI a vivement réagi à cette information qui pourrait remettre en cause l'Église catholique. Ouais, très énervé, le pape a dit « On parle d'un papyrus, mais moi je fais pas confiance à un vieux, hein, et surtout s'il vient de Russie. Hein. » La mission sur Mars ne finit pas d'intriguer les scientifiques. Les fameuses myrtilles dont on vous a parlé hier seraient en réalité du pop-corn, dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. La NASA se serait trompée et n'aurait pas envoyé sa mission sur Mars, mais bien dans un cinéma. Météo, on a pu constater qu'il faisait de plus en plus froid. En effet, ce matin à 6h, le thermomètre atteignait péniblement les 4 degrés. Franck Ribéry, de passage en Belgique, aurait déclaré avec ce temps-là « Je suis congelé ». Ouais, reste à savoir s'il voulait dire ça en un ou deux mots. On l'a mis en un. En deux, pardon. Cinéma, polémique autour du film Jason Bourne, l'héritage. Ouais, le chanteur Patrick Hernandez aurait porté plainte pour plagiat de sa chanson qui l'a rendu riche et célèbre. La célèbre chanson, hein, vous connaissez tous, hein. Oui. Born to be alive. Born to be alive. Oui, bien évidemment, quel talent. Okay. Et Aline, Jason. Hein. C'est ça, mais c'est ça, quoi. C'est pas grave. Voilà, elle est en train. Et pour terminer, si vous aimez marcher en rang comme à l'école et les gros acteurs français, regardez le dernier film de Gérard Depardieu. Oh mon dieu, ça oui, ouais. Ça c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Mickaël à la radio, le replay. Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est parti maintenant pour la ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés sur le 0473-86-0013. On écoute le premier message. Oui, c'est moi. Ouais. Bah écoute, tu m'appelles, tu me dis oui, j'ai juste envie de te connaître, voilà. Bisous. Et ben voilà, mais visiblement c'est pas le cas inverse. Hein. C'est ça. Elle n'a pas envie de te rencontrer, de te connaître. Non. Bon, deuxième message. Bonsoir Vanessa, je suis une amie à Jordi et je viens d'apprendre qu'il allait pas trop bien là. Apparemment il y a un problème entre vous deux, voilà. Non. J'aimerais bien en parler avec toi si ce serait possible, voilà. Au revoir. Eh ben écoute, si ça serait possible, déjà ça tu vas jouer au Bechtel Game le matin. Hein, bah ouais, c'est parce ça. Que le CIL n'aime pas les raies, hein, comme ça tu le sauras là, à l'avenir. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.